Apparemment, ça avait l'air assez complet, Pierrot. Ok, merci. Alors, t'as fait aussi, et on va enchaîner par ça, la bio du Breivik. Alors, la bio de Breivik, pas forcément la bio officielle de Breivik. Hein. On avait vu ça plus sur le plan, en fin de compte, du prisme d'Oberton, quoi. Alors, sur la biographie que je vais un petit peu dérouler, là, ce sont des faits qui sont un petit peu tirés de différents documents. Je me suis légèrement appuyé sur Oberton pour cette biographie, mais l'essentiel, ce sont des documents qui sont à un titre officiel. Donc, je vais attaquer par Anders Breivik, hein, donner donc un petit peu sa bio. Il est né à Oslo le 13 février 79. Son père, Jens Breivik, est diplomate de carrière. Sa mère, Wenche Behring, est aide-soignante. Ses parents divorcent en 1980. Anders Behring Breivik est alors âgé d'un an. Sa mère retourne vivre à Oslo avec ses enfants dans un quartier huppé d'Oslo, car Anders a une demi-sœur âgée de 4 ans de plus que lui. Son père se remarie et s'installe à Paris, où il est en poste. Leur lien père-fils s'efface peu à peu, puis cesse définitivement à partir de 1995. En 2006, alors qu'Anders Breivik cherche à revoir son père, ce dernier lui fait savoir qu'il n'est pas mentalement prêt à le rencontrer. En 1983, sa mère souffrant de dépression, les services sociaux qui craignent pour le développement du petit Anders envisagent de le placer dans une famille d'accueil, mais cette démarche n'aboutit pas. Adolescent, Breivik a quelques démêlés avec la justice, car il s'adonne au graffiti dans les rues d'Oslo sous le pseudonyme de Morgue. Incapable de trouver ses marques dans ce milieu de tagueur, il finit par en être exclu. En 1997, à ses 18 ans, il adhère au Parti du Progrès, qui est une formation norvégienne sociétalement nationale conservatrice et économiquement libérale. Bah écoute, merci Pierre. Alors, je n'ai pas terminé, attends, je prends mes notes suivantes, excuse-moi. Alors, élève brillant, il abandonne ses études secondaires en dernière année. Il crée successivement plusieurs entreprises avant de connaître un certain succès avec un site de vente aux faux diplômes qu'il est contraint d'abandonner lorsque la légalité de cette activité est mise en doute. Lorsque se crée la section Oslo West des jeunes progressistes, il en devient vice-président. Très actif sur les forums du parti, il ambitionne d'être inclus sur la liste des candidats pour les élections communales de septembre 2003, mais cet espoir est déçu. Après attiré par le pouvoir sous toutes ses formes, Breivik se porte candidat à la franc-maçonnerie en décembre 2005. Il joue et perd en bourse et décide à l'été 2006 de redevenir habité chez sa mère. Enfermé dans sa chambre, il s'adonne pendant 2 années à des jeux vidéo en ligne, passant jusqu'à 16 heures par jour devant son écran. Durant cette période, amer de ses échecs politiques, il prend ses distances avec le parti qu'il quitte en 2007. Son initiation de franc-maçon a lieu en début d'année 2007. C'est seulement avec réticence et à l'instigation pressante de son parrain qu'il se joint à quelques réunions dans les années qui suivent. En 2008, il met un terme à ses activités ludiques. Son intérêt se tourne vers les forums d'extrême droite. À partir de cet instant-là, il va se consacrer à l'écriture de ce qui va devenir son manifeste, puis à la préparation de son coup d'éclat. En octobre 2010, Breivik réunit les ingrédients et les ustensiles nécessaires à la confection d'une bombe. Il s'inscrit parallèlement à un club de tir, ce qui lui permet d'acquérir légalement des armes à feu. Au printemps 2011, Breivik quitte enfin le domicile maternel et s'installe dans une ferme près de Rena, au nord d'Oslo. Il fait modifier les statuts de Breivik Geofarm pour la transformer en exploitation agricole afin d'avoir accès à des engrais chimiques et se lance dans la production d'explosifs. À 15h25, le 22 juillet 2011, Breivik passe à l'acte et fait exploser une camionnette chargée de 950 kg d'explosifs devant un immeuble gouvernemental au cœur d'Oslo. Ce même jour, Breivik, déguisé en policier armé d'un pistolet et d'un fusil et de quelques 3000 cartouches, se rend sur l'île du Toyo où se déroule un rassemblement des jeunes du Parti travailliste norvégien. Pendant plus d'une heure, il sème la terreur et la mort. Breivik est appréhendé à Utøya en fin d'après-midi, le jour même des attentats. Le bilan total est de 77 morts, 8 à Oslo et 69 à Utøya. auxquels s'ajoutent de très nombreux blessés. Le procès de Breivik s'ouvre le 16 avril 2012. Il doit répondre de l'accusation de 77 assassinats et de 42 tentatives d'assassinat, la justice norvégienne n'ayant retenu pour ce deuxième chef d'accusation que les blessés les plus graves. Le 24 août 2012, il est reconnu responsable de ses actes et condamné à la peine maximale, soit 21 ans de prison. Pendant 10 ans, il ne peut demander la libération conditionnelle. Si, au bout de 21 ans, il est encore considéré comme dangereux, la peine peut être promulguée, prolongée. Merci Pierre. On va donc passer à la première partie. Donc, je vous rappelle que dans la première partie, nous avons traité le style, la structuration du récit et la gestion de l'émotion, la façon de perçu l'ouvrage. Et si on pense, Pierre, peut-être qu'on donnerait la parole à une femme d'abord. Oui. Alors, mesdames. Jessica, tu veux commencer ? Oui, pourquoi pas. Dans un premier temps, si on aborde la partie écrite, la façon dont le roman est écrit, je pense que ce qui m'a frappé, c'est justement cette facilité de se mettre à la place du personnage, quoi. La capacité qu'il a de nous glisser immédiatement dans la peau de Breivik, sans qu'on soit arrêté par la monstruosité de son acte. Et ça, je trouve que ça donne déjà un ton très fort au discours et au livre en général. Je ne sais pas, oui, effectivement, si on regarde rien que le fait, les premières pages du livre, le fait que le livre commence comme ça, sur le bateau, directement dans l'action, ça vous a paru comment, ça, le fait d'être immédiatement, de façon assez abrupte, d'être plongé comme ça dans le personnage? Non, mais plonger complètement dans sa tête, on rentre directement dans le livre, on est dans la tête de Breivik. On ressent ce qu'il ressent, puisque tout est décrit. On arrive à sentir son état d'esprit, ses peurs, ses appréhensions, sa paranoïa. Et on commence à esquisser un petit peu ce qui est prévu, quoi. Il en parle un petit peu au tout début. Et puis au fur et à mesure que le récit se prolonge, on est vraiment dedans. On est avec l'arme à la main sur l'île du Toya et on s'apprête à tuer tout le monde. J'ajouterais que c'est effectivement assez intéressant, comme tu soulignes, le fait qu'on commence le livre alors quand il est sur le ferry, donc qui passe effectivement des terres principales jusqu'à l'île du Toya. Et en fait, moi, j'ai cette sensation un peu bizarre, parce que du coup, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est vraiment, on est observateur de la scène. On a l'impression d'y être vraiment, d'être un espèce de fantôme qui observe ce qui se passe et qui sait. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu ce truc assez bizarre au fur et à mesure des pages, des premières pages. On observe, mais en même temps on se pose la question, bon bah quand est-ce que ça va péter, quoi, si je puis dire, à quel moment il va commencer, dans quelles circonstances. Et puis pour finir, je dirais, il y a ce petit côté, moi j'ai eu ce petit côté match de foot entre guillemets, dans le sens où on espère un tournant, on se dit quand même, alors qu'on sait comment c'est fini l'histoire, on se dit, est-ce qu'il va pas y avoir un petit rebondissement quelque part, j'espérais un petit peu, si je puis dire, mais les événements prennent ensuite la tournure que l'on sait. Allez-y, j'y sais. Alors, moi, je voulais juste, au niveau de la forme globale, pour moi, il y a trois parties. La première, c'est la tuerie, où on est vraiment dans l'action. Il y a peu d'idéologie, on est vraiment sur le côté, voilà, on a toutes les émotions du personnage au fur et à mesure, mais on n'a pas vraiment toute son idéologie. La deuxième partie, c'est le procès, où là, justement, on va avoir l'occasion de dérouler toute l'idéologie du personnage. Donc, c'est là où on rentre vraiment dans toute sa logique. Et puis la troisième partie, c'est la prison. Donc là, on rentre un petit peu plus en profondeur dans ses émotions. Il y a une forme d'humanisation du personnage. Et puis, ça se finit avec le début de cette journée de terrorisme, donc avec le premier attentat. Donc en fait, c'est quasiment chronologique, sauf que le premier attentat est tout à la fin au lieu d'être tout au début. Mais sinon, ça se suit. Alors, sur sur la forme qu'il a choisie, c'est vrai que Oberton, qui est quand même un journaliste, c'est quand même très très clair qu'il a fait un choix au niveau du style, c'est qu'il n'est pas dans une observation journalistique distancée des faits, quoi. Il a vraiment choisi la forme du roman, et à plus forte raison, le roman à la première personne, donc c'est très particulier. Alors moi j'ai trouvé que c'était un peu à double tranchant, dans le sens où la forme du roman, ça rend plus accessible quelque part cette histoire. Déjà parce que si c'était quelque chose de journalistique, il y a plein de gens qui le liraient pas, les gens préfèrent lire des romans. Et puis quelque part, c'est vrai que ça évite un peu le jugement sur Breivik, sur ses actes. Et vu qu'on est dans sa peau, en fait, on est peut-être plus à l'écoute et pas dans la réaction par rapport à son acte, quoi. Je crois que ça rejoint un petit peu ce que Jessica Las disait. Donc ça nous donne quelque part l'occasion d'aller au fond de son idéologie sans être dans une réaction épidermique. Par contre, c'est vrai que l'usage de la première personne, j'ai trouvé ça très ambigu, puisque du coup, il y a une forme d'identification qui se fait avec le personnage, une forme de sympathie. Et du coup, on perd aussi toute distance critique, quoi. Donc, quelque part, le personnage de Breivik prend un petit peu le pouvoir sur nous. Il y a une forme de fascination qui s'exerce. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu ambigu, parce que ça donne l'impression parfois qu'Oberton justifie finalement les actes de Breivik, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une impression que ça m'a donnée. J'aimerais rebondir là-dessus, parce que c'est marrant que tu dises ça, Soraya, parce que en fait, je pense que c'est voulu par Oberton. Et que c'est, il parle beaucoup de pouvoir justement, et que le pouvoir est la clé en fait de la détermination de toutes les espèces. Et je pense que c'était une façon de montrer que même par un récit, selon le point de vue et selon comment on est positionné, n'importe quelle idéologie peut avoir le pouvoir sur nous, et c'est ce qui est assez inquiétant en fait. Je suis complètement d'accord avec Soraya, c'est parfaitement bien résumé. La façon dont il a, quelque part, de s'exonérer de la responsabilité d'humaniser Breivik, c'est je sais pas à combien de pages, mais périodiquement, il y a des victimes qui parlent. Tout à coup, on est dans l'idéologie de Breivik, on est dans sa tête, dans son raisonnement, dans ses croyances, et paf, ça s'arrête, et paf, il y a une victime qui parle. Il n'y a pas forcément qu'une victime d'ailleurs, hein, il y en a pas mal. Et donc du coup, il se trouve que il y a le psychologue aussi qui va parler. Il y a les médecins qui ont soigné les victimes qui vont parler. Il y a comme ça des ponctuations qui remettent en fait l'acte de Breivik dans la réalité et non plus dans sa tête. Je pense qu'au niveau du style, c'est son moyen à lui de revenir sur la terre ferme. Et d'ailleurs, le témoignage le plus éloquent, je trouve, c'est celui du policier. Oui. Qui essaye de comprendre et qui d'un côté comprend sans comprendre et qui en fait se retrouve à notre place. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est tout à fait comme ça que je l'ai pris, qu'effectivement, ces témoignages par moment, faut imaginer finalement le récit, du moins cette première partie où il est à l'aft, même un peu après, faut imaginer le récit un peu comme une plongée dans nos troubles, où on se perd un petit peu, et puis c'est vrai que, comme un peu tu le dis, comme tu l'as dit, c'est vrai que finalement ces témoignages, t'as l'impression que c'est un peu Oberton qui quelque part nous reprend par le col et nous ressort la tête de l'eau avant de nous la replonger de plus belle. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est des sortes de bulles qui arrivent, qui nous remettent dans le contexte de la situation vue par d'autres personnes, qui nous donnent un autre aspect des choses. Qui permettent, pour ceux qui n'adhèrent pas du tout à l'idéologie de Breivik, qui ne sont pas d'accord avec ses idées, de respirer. Mais même nous, même ceux qui de base adhèrent aux idées de Breivik, mais qui ne franchiraient pas le pas, ça nous met face à une telle réalité, comme il le dit, en fait, je pense que ça a été vraiment le choc de la réalité face à la morale qu'on s'est inventée. Et en fait, il joue là-dessus, même à travers la forme de son écrit, dans tout le livre. C'est-à-dire qu'il nous met face à, dans l'idéologie, il nous noie dedans. Et il arrive à nous faire adhérer à cette idéologie tout en nous sortant et en nous montrant ce que, d'un point de vue humain et sociétal, ça veut dire et ce que ça donne, quoi. Oui, tout à fait. Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu ambivalent parce que derrière, il y a toujours le mépris de Breivik qui est omniprésent autour de ses témoignages et je sais pas, j'ai trouvé que parfois ça manquait presque de pudeur en fait par rapport à ça. Et puis, ce que tu disais par rapport aux actes de Breivik, j'ai quand même noté vers la fin du procès qu'il dit que finalement, il reprend un petit peu un argument de gauche, quoi. En gros, c'est la société, c'est la faute de la société quelque part. Il dit que, voilà, si il dit en fait c'est la société qui m'a créé, parce que vu qu'on peut rien dire et qu'on peut pas s'exprimer et que la moindre pensée nationaliste est considérée comme fascisante, bah du coup ça crée des situations et des gens comme moi, quoi. D'ailleurs, il explique son art. À la fin du livre, il dit bien, j'ai voulu percer le blindage de la censure. Voilà. Ça explique tout, en fait, de son point de vue, bien sûr. Mais tu le vois à travers le langage utilisé et surtout la mythologie utilisée. Il assimile son arme, son camion, ses armes, son camion, il les nomme par des armes de mythologie nordique. Donc, pour lui, il est la punition divine qui s'abat sur notre monde trop laxiste, en fait. Il se voit vraiment comme la main de Dieu. C'est comme un contrepoids à la balance qui ne penche que d'un seul côté. Sans arrêt, ouais, il y a des allusions comme ça. Moi, par exemple, cette ligne qui m'avait presque, enfin pas choqué, mais qui m'avait fait un drôle d'effet, c'est notamment quand il dit « je représente les intérêts de la mort ». En gros, dans le sens où, voilà, ces jeunes-là que j'ai tués étaient complètement déconnectés de la réalité, sont sortis du cercle, quelque part, de la sélection naturelle, eh bien, moi, je viens leur rappeler que ça existe encore, ces choses-là, et de la façon, effectivement, la plus brutale. Bah, ce que j'aurais aimé vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du style descriptif ? Parce que là, la description, c'est... Le style descriptif, c'est vraiment... un impondérable dans ce style de roman, et c'est vrai qu'il y a des scènes extrêmement crues, extrêmement même assez horribles, et la façon dont il arrive à retranscrire aussi, tu vois, l'ambiance lourde. À un moment, il parle plusieurs fois, tu sais, notamment au début du livre, d'une ambiance lourde de poudre, de sang, il arrive à faire ressentir cette espèce de lourdeur, si tu veux. Et, enfin, moi, j'ai trouvé qu'au niveau de la description, j'ai trouvé que ça était vraiment très, très bien sorti. Pour rebondir, ce que j'ai trouvé frappant, c'est que même quand ce sont des victimes ou d'autres personnes tierces qui interviennent, il reste dans ce registre descriptif. Il n'y a pas de jugement. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur, je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure. Il n'y a pas d'horreur dans la description des victimes. Il y a du sang, mais ça reste une description descriptive, sans jugement de valeur. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est comme ça, il y a du sang partout, ça pue, c'est la merde. Non, mais bien sûr, mais il décrit une vision d'horreur, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en ressent vraiment cette lourdeur, si tu veux, la confusion même des sens, en fin de compte, à plusieurs endroits. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il rendait... Il ne rendait pas ça fluide, mais voilà, il arrive vraiment à bien le retranscrire. Et je trouve que vous donnez une assez bonne idée, une image de l'île, on se voit arriver, les premières marches, etc. Et je trouve que la première partie est très importante, notamment les premiers meurtres. Parce que là, tu as tout ce discours, en fin de compte, où tu sens qu'il est, il a eu ce conditionnement pendant des années, il s'est préparé à ça. Et tu vois la surprise dans ses yeux, en fin de compte, quand il voit les premières morts, la façon dont tombent les cadavres, tu sais, un peu désarticulés, démembrés. Et tu vois que les 5 ou 6 premiers... Enfin, assassinat, meurtre, en fin de compte, c'est vraiment déterminant pour lui. Il est dans une phase d'acclimatation, là. C'est ça, c'est le moment où il tue l'homme pour laisser place au cerveau reptilien. Parce qu'il a tellement réfléchi pour mettre en place le plan que finalement, le cerveau reptilien, il n'est plus là à proprement parler. Il l'a dans des entraînements, mais il ne l'a plus comme réflexe. Et donc, c'est ce moment-là où il passe à l'acte, où il le dit lui-même à un moment, ce qui était le plus dur finalement, c'était pas de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un, c'était de renoncer à ma propre vie à moi, en tant qu'être social, en tant que personne. Ce qui est intéressant, je pense, c'est là que tu essaies de nous emmener un peu aussi la révolte. C'est vrai qu'au niveau du détail de la description, des fois c'est un peu trash, on va dire, jusqu'au bruit particulier des balles suivant partie du corps, si tu veux, qu'elle va rencontrer en premier, et notamment au niveau des descriptions des blessures au visage et à la tête. C'est ça, quand il dit qu'une balle rentre par la gorge pour ressortir pratiquement par l'œil, tu te dis Déjà au début, à vrai dire, je m'impose toujours un peu finalement l'intérêt à ça. Je pense qu'il y en a un et je pense qu'Oberton sait très bien pourquoi il fait ça. Moi j'avoue que j'ai pas encore très bien analysé. Et aussi le niveau de détail de la description mentale qui se fait de la situation. Comme vous le dites, effectivement, les premiers morts. C'est marrant parce que il explique comme. C'est marrant comme on voit juste avant qu'il fasse ses morts. Les restes de verrous mentaux qu'il a, il hésite encore un peu, il tremble, il flippe comme pas possible. Et effectivement, après ces deux trois morts, c'est la plongée totale. Et comme tu dis, que cette ambiance de poudre, enfin comme il dit, la poudre qui lui pique les yeux, l'odeur du sang. Et d'ailleurs, je vous invite notamment parce que c'est trouvable. Il y a une photo de Breivik. Juste après son arrestation, donc où il est encore en combinaison avec toutes ses traces sur lui. Effectivement, quand vous voyez cette photo et que vous la recalquez sur le récit, c'est d'autant plus saisissant. Moi, je pars du principe, enfin, l'effet que ça m'a fait tout le livre, en fait, c'est qu'Oberton, il a voulu, de par le style, de par ses choix, en fait, de chronologie, etc., tout remettre sur la base et du concret et de l'humain. C'est-à-dire que Breivik, il a l'odeur de la poudre, il a la chaleur du canon. Les victimes, elles ont les traces, on voit tout. Je veux dire, on est vraiment plongé dans le concret à ce moment-là. Et il humanise Breivik, certes, mais il humanise aussi les victimes parce que tout est décrit. Ce sont des humains qui sont éclatés, clairement. Donc, on explique les conséquences de cet acte-là, d'un bout à l'autre, à chaque fois. Sur cette histoire de la révolte, tu disais, oui, les premières morts sont très difficiles pour lui, etc. Je voudrais quand même préciser, moi, une idée qui m'est venue, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté entre le Breivik, le vrai Breivik, celui qui a fait ces choses-là, parce qu'on est quand même, on se base sur des événements réels. Et le personnage d'Oberton qui est forcément romancé et qui est forcément une extrapolation aussi, quoi, parce que il dit au début du livre, rien n'est écrit au hasard dans Utoya, mais il donne en fait les sources, ses sources principales à partir desquelles il a élaboré son récit. C'est surtout le manifeste de Breivik où il y a toute son idéologie, etc. Il y a 4 rapports de psychiatre et tout, mais on ne sait pas dans quelle mesure finalement. Toutes ces pensées et ces émotions qu'il nous décrit, dans quelle mesure elles sont romancées, dans quelle mesure elles sont vraiment réelles, quoi. Donc il y a vraiment une ambiguïté entre le Breivik et le personnage d'Oberton. Et sur le côté, sur la tuerie, sur le côté très cru, en fait, le fait d'avoir tous les détails sordides, de la cervelle qui sort, des os qui craquent, etc., et juste ensuite d'avoir le rapport d'autopsie qui répète exactement la même chose, moi j'y ai trouvé un côté un petit peu voyeur et sensationnaliste, en fait. Juste que tu appelles du sensationnalisme, c'est juste la plongée dans le réel. Il a écrit ça sous forme d'un roman. Et il a été obligé du coup de tant d'écrire la réalité parce qu'un roman, quand tu lis le livre, tu aurais pu le concevoir en tête comme étant qu'une histoire parmi tant d'autres. Et c'est cette description de choses si dégueulasses mais réelles. Qui te raccroche au réel. Je voudrais juste répondre rapidement. Je peux juste me permettre, on a pas mal parlé dans les espèces de petites réunions qu'on s'était fait avant, justement du fait que l'auteur prend justement toutes les sécurités possibles, mais tous les garde-fous possibles, et le fait déjà de romancer, c'est parce que tu peux pas donner une tribune à l'odieux, si tu veux. Quoi. Et là, ça s'est vu comme l'odieux, donc toutes ces choses-là qui peuvent effectivement surcharger un peu par moment, c'est vraiment, je pense, et c'est mon avis, hein, des garde-fous mis justement par l'auteur pour bien nous rappeler, et les rapports d'autres qui sont là, pour nous rappeler à la réalité, tu as l'âge des victimes qui est souvent très jeune, pré-ado, ado. Ça, tout ça pour moi, c'est fait vraiment comme garde-fou pour te rappeler à chaque victime que ben voilà, l'aspect de la réalité... Et le côté odieux de l'acte de Breivik, c'était ça. Et je pense que c'est des garde-fous qu'il met. Après, je ne sais pas si vous partagez ça ou pas, mais pour réaliser, ça fait mal. Je voudrais juste répondre je vais répondre rapidement à Florette, et puis du coup à la révolte. Enfin, pour moi, la tribune à l'odieux, justement, il la donne, cette tribune, puisque tout est à la première personne. Ça aurait peut-être été différent si ça avait été à la troisième personne. Breivik fait ceci, Breivik fait cela. Là, je pense que la première personne donne une tribune, clairement, moi, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, Florette, moi, c'est pas sur le fait qu'il décrive les événements de manière précise, c'est le fait qu'il les décrive d'une manière précise, très glauque, et que juste derrière, ils nous mettent en plus le rapport d'autopsie qui répète exactement les mêmes choses. Et ça, moi, ce doublon-là, j'ai trouvé que ça avait un côté genre, regardez, c'est horrible, et bam, je vous mets le rapport d'autopsie pour en plus dire, et en plus, c'est réel, quoi. Pour moi, c'était vraiment ce côté-là. Ah, je pense que justement, le rapport d'autopsie, c'est le rapport à la réalité. T'as en première partie la version romancée d'Overton, et il te met le rapport d'autopsie derrière pour bien t'expliquer qu'il a écrit ça après avoir lu ça. Après, à toi de te faire ton idée sur la plume d'Overton, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que, du coup, quand tu lis son roman et qu'ensuite tu lis sa, l'autopsie, t'es contraint et forcé de te dire que son roman n'est pas une version... Il est justement... C'est pas du sensationnalisme. Du sensationnalisme, ça aurait été d'écrire quelque chose de plus trash que ce qu'en a été la réalité. Au contraire, là, non. Il veut bien t'expliquer que c'est pas du sensationnalisme, il ne fait que raconter la réalité. C'est pour ça qu'il te met la preuve, qu'il te met l'écrit, l'acte réel sur lequel il s'est appuyé derrière, qui est le texte du médecin légiste. C'est la petite piqûre de rappel, comme tous les témoignages qui suivent, en fait. Parce qu'il ne fait pas que donner la parole à Breivik quand il donne la parole au psychiatre, il parle aussi à la première personne. Quand il donne la parole au policier, il parle aussi à la première personne. Tous les témoignages sont à la première personne. Donc c'est pas une tribune pour moi. Sinon, il n'y aurait que Breivik qui serait à la première personne. Et les autres seraient considérés comme ses victimes ou ses bourreaux. Alors, il y en a qu'on n'a pas trop entendu, il me semble, Vitriol, Lila, si vous voulez réagir, s'ils sont également. Ouais, la tribune. Ouais, mais... Ben oui, il veut rester en vie pour aller au tribunal. Donc, il veut une tribune. C'est bon, il veut. Je voudrais revenir sur ce que Soraya disait sur les rapports d'autopsie. Moi, j'ai plutôt ressenti ça comme un peu pour aller dans le sens de ce que tu disais, la révolte. C'est un garde-fou, d'une part, pour effectivement rester sur la terre ferme. Et c'est, à mon avis, aussi comme une marque de respect pour les victimes, en fait. Pour bien démontrer qu'elles ont bien subi ces horreurs-là. Pour bien démontrer qu'ils ne se servent pas de leur mort pour faire du sensationnalisme. Si je peux terminer, par contre, Florette, merci. Et je terminerai juste là-dessus aussi. À commencer par le titre du livre, en fait, Overton met déjà un garde-fou. Parce qu'il n'a pas appelé l'ouvrage Anders Breivik, il l'a appelé Utøya. Donc c'est bien qu'il met en priorité, en fait, les événements et ce qu'ont subi les gens qui étaient sur... C'est pas une autobiographie, quoi, je veux dire. C'est un roman, hein. S'il avait voulu réellement donner une tribune, il aurait appelé le livre Anders Breivik. Et tout le paradoxe de l'histoire, c'est que de toute façon, la tribune, Overton n'a pas à la donner. La justice de la société que souhaitait détruire Breivik, lui a donné cette tribune. Ça a déjà été fait, c'est plus la peine. C'est pas là pour ça. C'est pas que question de donner une tribune ou donner une audience, si tu veux. C'est que tu peux pas faire parler Breivik. Ce serait insoutenable. Et si tu veux parler d'Utøya, t'es obligé de le faire par le biais du roman comme l'a fait Overton. C'est le premier, c'est un impondérable. Si tu veux pouvoir parler de ça, t'es obligé de procéder comme l'a fait Overton. Et ça reste de toute façon extrêmement glissant. Hein. Après, c'est vrai que l'avancée psychologique, moi c'est ce qui m'a vraiment épaté au départ, c'est vraiment voilà, les 30-40 premières pages où on sent que malgré tout le conditionnement qui s'est infligé à lui-même, il a pensé à tout. Par exemple, je sais pas, à certains endroits du livre où tu vois qu'il vérifie que les gens qui sont allongés soient bien morts. Tu vois aussi à certains moments où il fait un assessment de son état physique. Tu vois qu'il contrôle, ça veut dire que même dans la confusion, parce qu'il va y avoir une confusion d'essence, je parle au niveau chimique, c'est-à-dire que là, il doit être à fond d'endorphines, d'adrénaline, de tout, mais le type s'est tellement conditionné qu'il pense à un moment à faire un assessement physique. Il regarde, il vérifie s'il n'est pas blessé, regarde le nombre de chargeurs qui lui reste. Il y a des moments de lucidité comme ça, assez froide, assez mécanique, si tu veux, dû au conditionnement, qui moi je trouve en fin de compte sont très bien retranscrits par Overton. Il y a un luxe de détails. Il y a énormément, enfin même Overton pour. Alors, il a eu des informations, ou alors il a extrêmement réfléchi à ce qu'on pouvait ressentir, ou même je sais pas, penser dans ce genre de situation, c'est complètement délirant, c'est tout à fait réaliste. Bah, je vais répondre à... Pardon, je voulais répondre à Vitriol qui disait si c'était une tribune pour Breivik, ça se serait appelé Anders Breivik. Enfin, pour moi, c'est pas suffisant. Le titre n'est pas garant de ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, clairement, enfin, je veux dire, toute l'idéologie de Breivik est déroulée tout au long du roman. Donc, c'est quand même clair. On peut pas nier qu'il y a une tribune pour voilà. Mais ce qui est pas forcément, je veux dire, quelque part, tant mieux. Il faut aussi comprendre d'où il partait ce type. Enfin, qu'est-ce qu'il pense, etc. Donc, comme je disais, c'est une manière habile de le faire parce que du coup, les gens vont se plonger dans l'idéologie et pas être dans une réaction épidermique par rapport à l'acte, mais ça reste quand même une tribune. Et je sais plus qui c'est qui disait oui, mais il y a tous les personnages qui sont à première personne. Je crois que c'est Jess qui disait ça, mais bon, quand même, les témoignages des autres personnes sont très très courts par rapport à tout le reste du livre qui est uniquement du point de vue du personnage Breivik. Ah ben, le but du bouquin, c'est de le comprendre, donc oui, forcément. Non, mais je parlais pas de Bertov, je parlais de c'est lui qui voulait, il voulait pas mourir pour pouvoir en parler après, au tribunal. Le but du jeu pour Breivik, c'était que, effectivement, son œuvre perdure. Donc, quitte à être tué, il avait envoyé son manifeste à plusieurs personnes pour qu'il le diffuse massivement sur Internet. Là, on sort un peu quand même de la première partie qui était le style, la structure du récit, mais on en a déjà pas mal parlé. Moi, maintenant, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est les émotions que ça vous a provoquées en lisant, c'est-à-dire la façon dont vous l'avez ressenti. Chacun ressent les choses différemment. Il peut y avoir des formes de malaise, des formes de subjugation, même pour certains. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Quoi. Est-ce que vous l'avez un peu pris en pleine gueule? Est-ce que voilà, vous avez pris du recul en le lisant? Comme je disais en préambule, avant qu'on commence, moi vraiment le premier vraiment truc que je me suis dit après avoir fini le livre, c'est comme je disais, déstabilisant. Parce que d'un côté, il y a effectivement l'horreur de l'action de Breivik qui a commis des massacres, mais de l'autre côté, dans son analyse des faits, effectivement, il y a des constats qu'on ne peut pas, enfin en tout cas pour les gens de notre école de pensée, dirons-nous, qu'on peut pas. Enfin, on peut que lui donner raison sur certaines choses. Donc déjà, ça, c'est le côté où vraiment, comme je dis, c'est limite dérangeant envers soi-même. Aussi, un autre côté un peu subjugant, moi, enfin en tout cas qui m'a vraiment un peu scotché, c'est la capacité de préparation de cet homme-là, tout seul, avec ses moyens, je dirais, une forme d'entrepreneuriat un peu morbide, quoi, où vraiment il a pris les choses en main de A à Z par lui-même, il a tout fait pour que ça reste caché. Il me semble que ça a duré, je crois, quelque chose comme, à partir du moment où il fabrique la bombe dans sa ferme, je crois que ça prend un peu plus d'un an. Moi, comme je dis, voilà, ça m'a laissé entre effectivement de la déstabilisation, un peu de choc, et ça me laisse toujours à l'heure actuelle sur une intense réflexion. Ce que j'ai trouvé de profondément déstabilisant dans le récit, c'est le fait que Oberton nous confronte à un personnage avec une idéologie, une réflexion très bien étayée, que l'on ne pourra remettre en question qu'avec notre morale, et qui sera très très très très très compliqué de remettre en cause avec un argument rhétorique, avec de l'argument froid. Il n'y a que la morale qui peut nous pousser à condamner ce genre de personnage. C'est ça, en fait, ce qui est dérangeant dans ce livre, c'est qu'il pose la question de quelle est la limite acceptable. Contradiction, pardon. Quelle est la limite acceptable pour la survie, en fait? Qu'est-ce que la morale peut accepter ou réprouver au nom de la survie Moi, personnellement, en lisant ce livre, déjà, je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas au courant de cette affaire, en fait. Parce que moi, à l'époque, c'est pareil, on regarde la télé, enfin, je ne regarde plus maintenant, mais on se fie un peu à ce qui se dit. Et en gros, c'était un fou qui était allé sur une île, qui avait tué tout le monde et qui se prenait pour Hitler ou je ne sais quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'avais retenu. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et du coup, je me suis pris en pleine figure aussi. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, notamment toute la partie où il explique son raisonnement, je me suis dit, mais en fait, cette personne, ça pourrait être moi. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais bien sûr, mais ce qu'il pense, en fait, je le pense aussi, quoi. Et c'est assez terrifiant parce qu'on se rend compte à quel point en Norvège, la censure est arrivée, enfin, en France aussi, bien sûr. En France, c'est pour ça que je m'interroge aussi sur le fait que ce genre de personnage pourrait arriver effectivement en France, c'est très probable. Parce qu'à force de vouloir imposer une idéologie que certaines personnes ne veulent pas, d'aller contre nature, d'aller contre la culture d'un pays, d'imposer des choses aux gens, ne leur demandant pas leur avis, il se pourrait très bien que ce genre de choses arrive en France, oui, c'est possible. Grosso modo, c'est ce qui nous arrive. On ne peut plus parler, on ne peut plus. Lui, il explique, comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu percer le mur de la censure. Donc il ne s'est pas attaqué aux Arabes. Il ne s'est pas attaqué à l'immigration galopante musulmane qui pour lui a envahi son pays. Pour lui, ces gens-là ne sont pas coupables. Il se dit qu'il n'est pas raciste. Pour lui, les gens coupables, ce sont les gens qui ont la volonté politique de le faire. Et il explique tout ça. Et il explique même son parcours d'enfant. Ce qui était flagrant, c'est à l'école, comment on les a lobotomisés pour le multiculturalisme. C'était très impressionnant ce passage, parce que ça se passe dans toutes les écoles de France. Donc c'était très très perturbant. Ça c'est vrai, t'as raison Val, c'est que moi ce qui m'a frappé c'est les similitudes en fait avec la France. C'est qu'il y a plein de moments de petits passages, et notamment ce passage à l'école, où ça aurait très bien pu se passer chez nous, en fait. Et ça s'est passé chez nous. Moi, j'ai été une de ces gamines qui a été lobotomisée pour la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Et du coup, effectivement, ça ramène à te dire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et en fait, toujours la question de la limite. Est-ce qu'on est prêt à faire pour que ça s'arrête? Parce qu'on est d'accord pour se dire que là, on a atteint la monstruosité, quoi. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à force de violer les gens dans leur liberté de parler, on les force à l'extrême. On les force. Je n'excuse pas le personnage, je veux dire. Mais à un moment donné, il y a des gens qui vont réagir de manière violente, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Alors, ce sera peut-être épisodique, j'en sais rien. Mais c'est grave. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, Oberton, bon, dans les propos de Breivik qu'il met en scène, parle effectivement de la monstruosité actuelle, de la manière dont il est perçu actuellement par le grand public, mais que dans 100 ans, il sera considéré comme un héros. Et Breivik est persuadé de ça. Et on a beaucoup de mal à trouver un argument là, comme ça, rapidement, pour lui donner de toi. Oui, et il y a même, toujours dans ce fameux discours du policier, qui lui-même dit que, de toute manière, il a conscience lui-même, en tant que policier, que la politique menée par son gouvernement ne donnera que des loups solitaires qu'on ne pourra arrêter que trop tard. Il le dit lui-même dans son témoignage, quoi. Donc... c'est ce qui est, en fait, c'est atroce de voir que de toutes parts on constate l'échec d'un vivre ensemble, de tout ça, et que ça amène à ces extrêmes là et que ça fait de nous des monstres, finalement. Ça peut nous pousser à devenir des monstres. Ouais, c'est certain que ça peut pousser à ça, mais c'est vrai que c'est un livre qui est assez délicat au départ, je sais pas trop dans quel sens le prendre quand même. Et je trouve que c'est un exercice difficile et voilà, je trouve qu'Oberton s'en est pas trop mal sorti, en tout cas au niveau du style, descriptif, etc. Après, le ressentiment que ça peut provoquer, ça j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Pas forcément à la lecture du livre, hein, je suis pas persuadé du tout que ça va donner lieu à des vocations. Mais. Je parle de la violence, moi, qu'on vit au quotidien, de la censure de la parole, tout simplement, dont il a été victime. Et puis cette espèce de il faut penser comme ça et pas autrement. Donc il a été victime aussi. Et donc beaucoup de Français sont victimes au jour d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, on peut se demander, est-ce que c'est la suite logique ? Voilà. Oui, parce qu'au final, tout ce que demandait Breivik, c'est d'être écouté, d'être entendu. Et il n'a fait tout ça que pour être écouté et être entendu. Et effectivement, nos sociétés couvrent aujourd'hui sûrement des millions de gens qui aimeraient être écoutés, être entendus plus que ce qu'ils ne le sont. Alors après, moi je suis pas persuadé personnellement que Coberton veuille complètement donner aller dans le sens de donner la parole à Breivik ou de donner une tribune au travers de son écrit de son roman, parce que en tout état de cause, dans ces attentats, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu deux attentats, hein. Enfin, il y a eu quand même deux types d'attentats. Il y a eu l'attentat à la bombe à Oslo et ensuite le massacre à Utøya. Et Oberton ne s'est penché que sur une partie des actes de Breivik et derrière ça, moi je pense que bon, il a pris cette partie-là parce que c'est celle où il y a le plus de victimes. Et encore une fois, au niveau des sentiments qu'on peut avoir, voilà. Moi techniquement, c'est que ce bouquin-là, il t'attrape, et il te met dans la tête du personnage comme rarement quelqu'un, comme un écrivain a pu le faire. On est vraiment dans les premières pages dans la tête de Breivik. Alors après, on peut digresser sur effectivement les actes, le style, etc. Mais il faut reconnaître à Oberton cette puissance de récit et cette possibilité tout de suite d'attraper le lecteur dès les premières pages, de le mettre dans la situation et de tout de suite te mettre en porte-à-faux en te disant, entre guillemets, c'est du lard ou du cochon, là, on est où, là et en même temps, on est un petit peu peut-être sur une position de voyeuriste, en même temps, on comprend les sentiments de Breivik, on est écœuré par le réalisme des faits qui sont racontés, et il a l'intelligence derrière tout ça, derrière chaque romance du tir qui est effectué, hein, parce que pour lui finalement Breivik quand il tire sur les gens, c'est pas des êtres humains, c'est des cibles politiques. Il abat des cibles politiques et Oberton a la technicité de pouvoir te dire que la cible politique qui va être abattue, c'est une personne vive, enfin c'était une personne vivante, un jeune adolescent et avec un nom, avec et c'est ça qui est vraiment assez bluffant dans la technicité et dans l'émotion que Oberton arrive à faire dans ce récit. Je suis complètement d'accord, on l'a souligné hein, d'ailleurs, c'est il y a toujours ces espèces de rappels, que ce soit dans la tuerie ou pendant le procès, systématique des victimes. Qui elles étaient, comment elles sont mortes, pendant le procès, comment elles ont vécu la chose. Qui étaient quand même extrêmement jeunes dans leur ensemble. D'ailleurs, il y a un détail qui m'a interpellée, c'est que il en a épargné un, et Oberton fait témoigner ce jeune homme, et tu te rends compte qu'en fait, il l'a pas épargné, puisqu'il est revenu et il a fini par lui tirer dessus, même s'il l'a pas tué. C'est rigolo de te trouver justement aussi bien confronté, enfin il te met aussi bien dans la tête de ce gamin qui était là à ce moment-là que dans celle de Breivik qui était persuadé d'avoir sauvé un jeune homme comme lui, qu'il n'a pas été capable de reconnaître une deuxième fois, tu vois. Et ça justement, je trouve que ça démontre la puissance de son discours, c'est qu'il arrive à jongler entre toutes les parties et à nous mettre dans le cœur de la problématique de chacune des parties, quoi. Oui, il se met à la place de tout le monde. Ben, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Moi, je trouve que c'est très orienté dans la vision de Breivik. Finalement, les victimes, moi, j'ai trouvé qu'elles avaient un rôle très secondaire, finalement. Ah bah dans la vision de Breivik, c'est normal, ce ne sont que des pions parmi les autres. Oui, mais le livre est construit sur la vision de Breivik, donc... Voilà, et c'est là la prouesse d'Oberton, c'est de ne pas être tombé dans l'empathie. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait d'empathie ou quoi que ce soit, mais enfin, dans la façon dont il décrit justement les victimes, leur attitude, leur réaction, le fait qu'énormément d'entre elles tétanise complètement, ne réalise pas. D'ailleurs, on sent que chez certains, il y a une forme de blocage qui intervient chez beaucoup de gens dans des situations inédites comme ça, où les gens sont tétanisés, complètement irréactifs. Et malheureusement, je crois que c'est la façon dont l'écrit Oberton, je crois que c'est assez proche de la réalité, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça, c'est vraiment l'inédit. Les gens ne savent pas ce que c'est un coup de feu, ne comprennent pas, voient des gens tomber autour d'eux, et il y a des descriptions assez éloquentes, justement, où on voit la tétanie complète, et les gens qui restent là, on a l'impression qu'ils sont là en victime, tu sais, quasiment consentis, parce qu'ils sont complètement tétanisés, ne peuvent tout simplement pas bouger, et ils tombent comme ça les uns après les autres, c'est assez marquant, ça. Quasiment consenti, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est vrai que même quand ils donnent la parole aux victimes, il n'y en a pas une qui juge Breivik comme un monstre, il n'y en a pas une qui... Ils sont là, juste, ils subissent l'action, ils se refusent même de juger le personnage, ils restent très objectifs et dans la description de ce qu'il y a de l'horreur qui leur arrive, mais ils considèrent le Breivik comme un orage. C'est comme ça, ça arrive. Il n'y a rien de pourri, il n'y a rien de dégueulasse dans ce qui se passe, c'est juste pénible, je vais peut-être mourir. Ça souligne d'ailleurs les théories de Breivik très largement, dans le sens où il explique que ces gens-là ne sont plus de rapport avec le concret et que la méfiance, c'est la règle absolue de celui qui veut survivre. Et ces gens-là, non plus. Ils sont dans la jouissance, ils sont dans autre chose. Du coup, on le voit bien, hein, ils sont tétanisés, ils fuient comme des lapins à droite, à gauche. Il y en a quand ils fuient, parce que la première réaction, c'est pas la fuite, la première réaction, en fin de compte, c'est leur cerveau qui bloque, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et, enfin, j'ai envie de te dire, tu vois, ce qui arrive, par exemple, à, même Breivik, tu vois, qui s'était préparé à ça, qui était conditionné à ça, même lui, psychologiquement, chimiquement, ça se passe pas comme il veut. Tu sens bien qu'il est complètement déstabilisé. Donc, pour des gens qui n'ont même jamais pensé à ça, parce que c'est complètement l'idée, c'est la chose qu'elle, tu penses jamais. Évidemment que le fait, si tu veux, d'appréhender en fin de compte la situation le prend du temps, et tu vois qu'il y en a certains qui n'ont pas le temps d'ailleurs de réaliser, qui sont figés et qui tombent, quoi. Et ça, je trouve qu'Oberton, moi je trouve justement, c'est peut-être ce qui est choquant, d'ailleurs on n'est pas habitué à ça parce qu'on lit des romans, on voit des films fantastiques tout le temps, et là, quand c'est une réalité assez froide et abrupte comme ça, même nous en tant que lecteurs, on a du mal à l'appréhender en fin de compte. On vit pas dans ce monde-là. Il le rappelle. Il rappelle que ce monde, c'est ça. Alors, t'es pas m'a rappelé qu'on avait à peu près 3 heures, mais nous, on va peut-être pas non plus trop déborder. On va devoir s'absenter après pour se préparer pour live le soir. Est-ce qu'il y a des gens au niveau de la première partie sur le style, sur vraiment la structuration du récit, qui veulent rajouter des choses, peut-être des gens qu'on n'a pas entendus, ou même t'es pas s'il est là et qu'il l'a lu, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent réagir? Moi, je voulais opposer juste là au côté lapin tétanisé des bêtes, des victimes, pardon, que lui-même, c'est à un moment s'identifier au râteau pnu quand même. Il fait toute une analogie sur la fourmi, sur le râteau pnu, où lui, en fait, se déshumanise totalement en étant, en devenant la main de Dieu dont je parlais tout à l'heure. Et ça, dans son récit, Oberton le fait bien. Il fait bien le parallèle où, en fait, il y a une déshumanisation de chaque côté de la barrière et elle tend à viser un équilibre. Moi, je suis d'accord, Jess. C'est ce que j'ai ressenti aussi en lisant ce passage qui m'a, pour le coup, m'a fait pas mal sourire quand même. Il te raconte la vie des râteaux pnus. Et celle des fourmis aussi qui se sacrifient et qui sont improductives, enfin qui sont pas fertiles, quoi. Oui, qui se sacrifient pour le groupe. Et disons qu'il s'est mis dans un mode de pensée, dans un mode de conditionnement très tactique, très militaire. C'est vrai que l'organisation des fourmis, si tu veux, avec des abeilles, avec chaque individu qui a une fonction bien précise, etc. Il est vraiment dans un mode très rigide comme ça, quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a du mal au départ à appréhender le flot d'émotions qui vient avec, encore une fois, l'adrénaline, toute cette chimie en fin de compte, et ça arrive pas à... c'est quelque chose de très puissant quand même. Tu te rends compte que malgré quand même tout le conditionnement, toute la préparation, même lui en fin de compte, en tout cas c'est ce qu'Oberton veut nous faire ressentir, est absolument pas préparé à la réalité de la chose, et il met un temps à s'adapter, mais on sent quand même que Et voilà, très rapidement, ils rentrent dans un mode très tactique, très militaire. C'est vraiment assez froid la façon dont il a préparé tout ça, quoi. Mais lui, dans sa façon de réfléchir, il ne cherche qu'à comprendre quelle est la force de l'espèce humaine pour survivre par rapport aux autres. Et quand tu te poses les problématiques de la survie, oui, tu es face à du sang, tu es face à tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous parle de l'analogie avec le rat top nu, avec la fourmi. Il cherche à regarder l'espèce humaine, comment dire, à une échelle très très grande par rapport aux autres espèces sur Terre. Qu'est-ce qui fait sa force? Et il cherche juste à dire à l'idéologie travailliste norvégienne, dans ce que vous nous proposez, il n'y a aucune force pour que l'espèce survive. C'est pour ça que ça le gonfle. Mais en plus, tu as la sensation, et je trouve que ça, alors par contre, il y a deux passages que je trouve que Burton a réellement, excellemment réussi. C'est déjà la façon dont, si tu veux, il culpabilise en fait les responsabilise. C'est-à-dire qu'à un moment, dans sa façon de penser, il dit voilà, vous êtes travailliste, vous avez choisi un camp, vous avez choisi une idéologie. Vous allez au bout, les conséquences de l'idéologie que vous avez choisi d'adopter, d'embrasser, eh bien c'est la mort. Parce que il y a des conséquences à suivre tel type d'idéologie, lui est dans une idéologie contraire, et donc il considère très froidement que c'est tout simplement la conséquence de leur prise de parti. Et ça, il arrive à le décrire magnifiquement. Et il y a aussi le passage où un jeune, justement, qui avait essayé de partir à la mer, mais qui avait compris que c'était Eva, qui revient et qui, là, décide d'affronter Breivik. C'est-à-dire, il reste devant lui, il ne fuit pas. Et Breivik trouve que physiquement et dans l'attitude, le mec lui ressemble. Et c'est uniquement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il dit même, ça aurait pu être moi, ce serait moi. Et c'est là qu'en fin de compte, alors c'est même pas une forme de clémence, quoi, parce que la façon dont il laisse passer le jeune, si tu veux, c'est quand même assez. Moi, ça m'a perturbé cette façon de penser là, exprimée par Roberto à ce moment-là. C'est-à-dire, il me ressemble, ça pourrait être moi. Et donc, il laisse passer. Je t'avoue que c'est une forme de clémence qui m'a assez troublé, moi. Mais en fait, comme un ghost, la phrase qu'il dit juste derrière, c'est je peux pas me tuer, moi. Exactement. C'est ça, effectivement, tout à fait. Ce qui est marrant, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a fait sourire. Vous parlez notamment ouais, des références au ratopnu, tout ça. C'est finalement, ouais, c'est finalement ce gros cocktail de choses à laquelle il s'identifie un peu, bah, comme le rappelait Jessica, la mythologie nordique, à travers le nom de sa voiture et de son arme, Mjolnir et tout le machin. Le ratopnu, comme il aime bien le rappeler assez souvent, je suis un chevalier templier, je suis un guerrier de l'Occident. En fait, c'est marrant. On a l'impression qu'il prend tout ça pour se faire justement un peu sa nouvelle identité, sa mythologie à lui. Bah, c'est vrai. Comme il explique dès le début, en fait, au tout début, il fait une espèce de portrait robot psychologique de tous les tueurs de masse, et il précise bien que c'est une constante. En fait, c'est qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. D'ailleurs, on voit bien dans l'histoire de Breivik qu'il a été rejeté par son père, et je pense que ce côté en fait s'identifier à des super-héros, c'est une manière de compenser en fait ce complexe d'infériorité finalement. Alors en fait, tu nous mets sans transition dans la partie 2, je pense que c'est pas mal, parce que je crois qu'on va vers le côté psychologique maintenant. Et donc moi, si ça vous dérange pas, j'aurais voulu rappeler vite, très rapidement, une petite définition de ce qu'est la psychopathie, parce que je pense que ça va venir dans le débat. Donc je vais juste rappeler clairement, comme une base, en fin de compte, ce qu'est un psychopathe. Alors, un psychopathe est une personne souffrant d'un important trouble du comportement. Ce trouble se traduit par un comportement fortement antisocial. Il agit de manière très impulsive dans le but de détruire psychologiquement et ou physiquement l'individu. Ce comportement destructeur n'entraîne chez le psychopathe aucun sentiment de culpabilité. On compte près de 3% des hommes et 1% des femmes touchés par la psychopathie. Cette pathologie peut s'exprimer à des degrés très différents et pouvant mener jusqu'à la réalisation d'actes criminels. Parmi les symptômes de la psychopathie, on relève l'indifférence, l'irresponsabilité, l'absence de culpabilité et les comportements asociaux avec autrui. Voilà, je pense que ça donne à peu près un bon éclairage sur ce qu'est la psychopathie. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que je pense que tout de suite, quand tu listes, quand t'as listé ce qui faisait la psychopathie, c'est tout de suite on fait les liens, on fait des liens assez rapidement avec le comportement de Breivik. Et là, je pense que du coup, c'est plutôt la deuxième partie du livre dans son procès. Ou comme ça a été dit procès, bah comme ça a été très bien dit précédemment, c'est très juste, où effectivement, il ne tuait pas des humains, mais des cibles politiques, que de toute façon, c'était un truc. Bah, je pense que c'est même pas un mal nécessaire, c'était une chose nécessaire pour l'avenir de son pays et de l'Occident. Et où effectivement, de toute façon, et ça pareil, ça a été dit avant moi, de toute façon, c'est pas vraiment sa faute à lui, c'est la société norvégienne qui l'a poussé à cette extrémité. Bah, le problème, si tu veux, et c'est un point que je voudrais mettre en exergue, c'est dans la définition de la psychopathie, on parle d'un comportement impulsif. Et c'est quand même assez en contradiction avec la préparation, le conditionnement physique et mental que Breivik, en tout cas le personnage, s'est imposé à lui-même, si tu veux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la révolte, hein, c'est que c'est... Enfin, pardon, je te laisse répondre, Tony. Ah non, je vais juste dire que je suis d'accord, hein. C'est pas 100%, ça correspond pas 100% à Breivik, mais il y a quand même quelques éléments qu'on peut prendre par-ci et là qui correspondent. Mais sinon, je suis d'accord, hein, c'est pas 100% ça. Et les psychiatres, d'ailleurs, disent bien que il n'est pas définissable, il dérange, enfin, ils peuvent le ranger dans aucune case, et c'est ce qui est le plus dérangeant, parce qu'il n'a même pas pu être... S'il avait été défini comme psychopathe, il aurait une pathologie, et il aurait été défini irresponsable de ses actes, en fait. Alors que là, il a été condamné et jugé comme responsable de ses actes, donc c'est qu'il rentre pas dans les cases des maladies psychiatriques, justement. Il a un côté obsessionnel, quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que bah, déjà il y a le côté impulsif qui est pas, c'est pas possible vu les 9 ans de préparation qu'il a eu. Il est dans un contrôle absolu. Je pense que quand on a une grosse pathologie mentale, c'est un peu compliqué d'être aussi de s'attacher autant à tous les détails, etc. Et comme tu disais, Jess, il a été reconnu responsable au tribunal. En fait, il a été classé dans les cerveaux ultra masculins d'après la classification d'un psychiatre dont je me souviens plus du nom. Il est cité dans le bouquin. Moi, je pense que c'est... Ouais, voilà. Donc, il a été, voilà, en gros, il est considéré comme ultra masculin, c'est-à-dire qu'il a, en fait, en gros, les caractéristiques communes, en fait, à la personnalité masculine, mais poussé à fond, quoi. En gros, c'est. Disons qu'il y a plusieurs traits chez lui, notamment dans sa vie, et qu'on peut, par le truchement, en fin de compte, de la biographie de Breivik, par Pierre, on peut quand même voir quelques troubles liés à l'enfance, notamment l'absence oui, du oui. père, etc. Je vais juste finir ce que j'ai dit. Cette programmation qui s'est infligée, finalement, c'est un choix conscient qu'il a fait. Il s'est même mis en danger de folie, finalement, parce qu'il s'est quand même infligé un mode de vie très compliqué. Mais moi, je rejoins ce qui est dit dans le bouquin, en fait, c'est que ce qui nous différencie de Breivik, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre son acte, c'est qu'il n'est pas dans la même morale, en fait. La différence, elle est vraiment morale. Elle n'est pas dans l'état de santé mentale, en fait. On a envie de le croire fou, parce qu'il est tellement aux antipodes de notre morale que pour nous c'est terrible de se dire qu'en fait il est pas fou et qu'il a pu faire ça d'une manière totalement rationnelle et posée et réfléchie, quoi. Moi je pense que dans son conditionnement, si tu veux, et c'est pas de la psychopathie, je pense pas qu'il y a une absence d'empathie complète chez lui. Je pense qu'il s'est conditionné à ça, c'est-à-dire qu'il s'est conditionné physiquement, il s'est conditionné psychologiquement à une forme de détachement. C'est quand même un type, il faut rappeler ça, qui a créé des sociétés à but agricole, si tu veux, pour pouvoir légalement se procurer les engrais, donc finalement, ce qui a servi à fabriquer sa bombe. Donc c'est un type qui a réfléchi tout ça, il a créé des sociétés, qu'il a ensuite modifiées, il a d'ailleurs ensuite modifié les statuts des sociétés, pour pouvoir légalement se procurer un certain type de produits. Donc je veux dire, là on parle quand même... effectivement, psychologiquement, psychiatriquement, il y a certainement des choses à dire. Mais psychopathie, absence d'empathie, moi, j'y crois pas trop. Je crois qu'il s'est conditionné comme ça à se détacher. C'est marrant parce que la description que Baron Cohen fait de l'homme, avant même qu'il l'indique dans le livre, moi, c'est un peu ce qu'il faut. Après, ça vient d'une analyse personnelle que je fais de la chose, mais moi, c'est vrai qu'effectivement, j'ai retrouvé chez lui des traits, on va dire, plutôt dits masculins. Bah, comme le dit Baron Cohen, poussé à fond, notamment dans la technicité, la préparation, la construction mentale. On voit qu'il a quand même eu la capacité de préparer ça sur une longue durée, de ne pratiquement rien laisser au hasard, jusqu'au type de munitions qu'il va tirer pour faire un maximum de dégâts. C'est assez morbidement décrit dans le livre, hein, les fameuses munitions qui tournoient et qui projettent du plomb partout dans votre corps, tout en précisant que non, des balles de tel type, ça l'aurait pas fait parce que ça aurait traversé la peau sans faire de dégâts. Je pense qu'effectivement, oui, on a un peu ce qu'appellerait un certain homme d'influence, le H pur. Alors, moi, ce que j'ai... la manière dont j'ai vécu le truc, comment j'ai analysé la personnalité du personnage de Burton, parce que je ne sais pas si c'est Breivik, j'en sais rien, en fait. C'est simple, en fait. Je ne pense pas que c'est un psychopathe. Un psychopathe, ça n'a pas forcément la vie sociale qu'a eu Breivik. Il a fait partie d'un groupe de tag, il a même été gauchiste, il a un parcours. Qui nous dit qu'il n'est pas psychopathe. Qu'il soit narcissique, par contre, oui. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. J'ai senti non pas une perversité narcissique comme on peut en voir, parce qu'il n'est pas dans la perversion, mais il est dans la recherche d'un idéal pour lui-même. Et vraiment pour lui-même. Donc, il y a beaucoup de choses dont il se sert pour alimenter ce narcissisme. C'est vraiment pour moi la chose la plus flagrante. C'est-à-dire qu'il a voulu fonder un mythe, en fait. Non, je pense que le mythe est là. Je pense qu'il n'a pas forcément tort sur certains points, mais je pense que ça lui sert aussi d'excuse et de bouclier, en fait, pour parler templier. Donc, en fait, ça pourrait expliquer ce que je disais par rapport au détachement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est troublant, c'est par exemple qu'il nomme ses armes par rapport à des armes, on va dire, elles mythiques. Et on a vraiment cette sensation-là. Et c'est vrai que le narcissisme-là, chez lui, est assez éclatant. Quoi. C'est le seul paradoxe que j'ai trouvé dans la personnalité décrite par Oberton. C'est que d'un côté, il se décrit comme le rat taupe qui se sacrifie pour le groupe parce qu'il n'a pas de gène à transmettre. Et de l'autre côté, il est le mâle alpha ultra masculin, très compétitif, qui aurait tout intérêt à ne pas se sacrifier pour le groupe et à léguer ses gènes, justement. C'est là où moi j'analyse ça comme ça, c'est-à-dire que sa rhétorique sert son narcissisme. Alors ça ne veut pas dire que la rhétorique est mauvaise, ça c'est à chacun de lire le livre et de le juger. Pour en arriver là, il faut avoir une sacrée dose de narcissisme. Pour se mettre dans la peau d'un templier rayonnant qui agit uniquement dans un but sacrificiel pour sauver sa race, il faut avoir une sacrée dose de narcissisme. Et je pense que c'est... il a plus ou moins été élevé sans modèle masculin, avec une mère plus ou moins comme un enfant un petit peu choyé quand même. Il a eu une enfance plutôt heureuse. Et il a eu l'occasion de faire pas mal d'expériences. Ça nourrit, je pense, son narcissisme. Est-ce que vous le trouvez viril ? Physiquement ou mentalement ? Non, est-ce qu'il vous a donné un sentiment d'exhaler la virilité, si tu veux ? Est-ce que le personnage créé, de Breivik dans le roman, vous a donné une sensation de virilité ou quelque chose comme ça ? Parce que moi, ça, c'est pas ce qui m'apparaît... Tu vois, quand tu parles de narcissisme, notamment tu vois le côté guerrier, etc., il y a un côté viril derrière, tu vois ce que je veux dire. Éprouver un sentiment de virilité en disant ça, quoi. Alors, j'ai volontairement pas été voir la gueule de Breivik avant de lire le livre. Je me suis juste fiée aux souvenirs que j'avais. Et moi, à l'époque, franchement, c'est une affaire que j'avais pas suivie, donc mes souvenirs étaient très flous. Et justement, ça a été un choc. Après ce livre, se voir le personnage qui n'est pas du tout à l'image de ce qui est magnifié dans le livre, en fait. Mais pour moi, il a toutes les caractéristiques d'un homme. Bon, effectivement, il a la manière de synthétiser, il a la manière d'analyser, il a l'organisation, il a la pensée. Oui. Pour moi, il est très viril intérieurement. Après, physiquement, je ne sais pas. C'est à chacun de se faire son idée. Moi, je trouve que Burton, il y a un moment où il arrive à, mais très légèrement. Et je trouve que c'est un petit manque de la part de Burton. Une petite critique que je ferai sur la psychologie de Breivik, c'est que Breivik, pour moi, est quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance. Il a tout le temps été mis à la marge, malgré, il a tout le temps voulu essayer de son père qui n'a pas, qui n'a pas eu de relation, son ratage de, chez les mouvements des graphistes, des graffitis, etc. Il était en recherche de reconnaissance. Il y a un moment où il le souligne, parce qu'effectivement, comme symbole de reconnaissance pour démontrer qu'il crée un mythe et qu'il veut créer un personnage, une reconnaissance, il décrit qu'il a la carte, la croix de Templier. Il y a en même temps cette fausse carte de flic qui est attachée à son cou. Et en dessous, il y a cette croix qu'il protège, etc., des Templiers. Donc, il y a un moment où il souligne qu'effectivement, il y a une recherche de reconnaissance de la part de Breivik. Et techniquement, son acte, c'est cette projection-là, quoi. Ce que je disais, tout à fait. La doctrine n'est qu'un outil. Ouais, je rejoins ce qui a été dit avant, c'est-à-dire d'un point de vue mental, en fait, il s'entretient dans une forme de virilité, c'est-à-dire tout le côté, voilà, guerrier, etc., avec toutes les valeurs, voilà, d'honneur, de patrie, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme ça que lui se décrit. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis allée voir les images. C'est vrai qu'il physiquement, il dégage pas du tout ça. Et en voyant les images, je l'ai trouvé plus proche de ce petit garçon timide qui est décrit aussi à un moment donné dans le livre. Que j'avais pas compris, parce que moi j'avais trouvé qu'il y avait vraiment je m'étais dit c'est pas possible, ça pouvait pas être un petit garçon timide ce mec, et en fait c'est vrai que quand tu le vois c'est plutôt ça qui ressort, quoi. Donc, il y a peut-être justement ce conflit entre ce petit garçon timide qui a jamais réussi à s'imposer, qui a été rejeté par son père, etc., et toute cette envie de grandeur, de virilité, d'être un homme, etc. Oui, tout à fait. Mais du coup ça nourrit son narcissisme, oui, ça l'a renforcé, tout à fait. C'est peut-être un peu le terreau, ça, toute cette timidité et tout, c'est peut-être un peu le terreau de son extrémisme, tu vois, dans ses actes aussi, quoi. Les psychiatres, dans les analyses psychiatriques, ils le disent clairement que c'est souvent ça, hein, que c'est souvent une timidité poussée à l'extrême, un manque de reconnaissance, un rejet global qui peut pousser des cerveaux très intelligents comme celui de Breivik à nourrir ce genre de plan, quoi, de vengeance, en fait. Si on suit par exemple à la biographie qu'a fait Pierre de Breivik, est-ce que vous avez l'impression qu'il en est arrivé là psychologiquement de façon progressive et graduelle, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un moment déterminant, une cassure, un basculement, est-ce que c'est quoi, plutôt politique, est-ce qu'il y a un moment, je sais pas à quel moment il a basculé, ou alors c'est vraiment un cheminement et des accidents de vie successifs qui ont fini par donner ce résultat-là, quoi. C'est ça qui est assez inquiétant pour un lecteur comme moi, c'est que c'est un parcours comme aurait pu être le mien. Sauf que à un moment, lui décide de passer à l'acte, tandis que nous, on est encore dans la recherche de solutions. Et le truc, c'est que justement, dans le livre, j'ai pas saisi quel était le moment qu'il avait précisément déterminé à passer à l'acte, parce qu'il savait que justement, il n'y aurait que sa punition qui arriverait dans son idéologie à changer les choses. Moi, personnellement, j'en ai pas trouvé. J'ai vu un parcours tel que beaucoup l'ont fait sur ce Discord. On passe on va dire de la doxa générale, on commence à se poser des questions, puis on a des réponses, et puis du coup c'est de confort. Et en fait, la manière dont je l'analyse, c'est que c'est cette façon de se dire, voilà, tout ce qu'on me dit et qu'on m'empêche de dire aussi, enfin surtout tout ce qu'on me dit, pardon, c'est de la merde, on m'empêche de dire la vérité, l'ordre naturel des choses, l'espèce de rhétorique marxiste qu'on nous impose est absolument effroyable. Je vais, moi, en tant que Breivik, m'articuler autour de ça, en prendre de la force, m'en servir pour me lisser. Ça va me donner la confiance qui me manque, parce que je manque de confiance, que je ne suis pas apprécié à ma juste valeur, et je vais le magnifier. Pour moi, c'est comme ça que j'analyse. Alors pour moi, on voit pas de basculement visible, tranché, mais l'impression que ça m'a donné, c'est au moment où il est rejeté par son père, il y a une espèce de repli, en fait, une espèce d'enfermement et de lâchage un peu, quoi. Il lâche un peu un truc, quoi, et je pense que ça va aller aussi avec son besoin de reconnaissance qu'il va aller chercher ailleurs. Mais par rapport à ce que tu disais, Val, à un moment donné, dans le bouquin, il laisse entendre qu'il aurait pu faire exactement la même chose pour une autre idéologie, finalement. Oui, et là, le coup du père, du rejet du père, je pense que tu as raison. Ce repli qu'il effectue sur lui-même, après, il va aller, et ça, les psychiatres, à un moment, font l'analogie, il va aller vers la destruction d'un père... Il va devoir détruire le père pour arriver à se construire. Et donc, c'est pour ça qu'il prend, d'ailleurs, tu le dis à juste titre, il aurait pu prendre n'importe quelle idéologie, mais s'il a pris l'État marxiste comme Némésis, en fait, finalement, bah, c'est parce que c'était l'emblème même du père qui le rejetait et qu'il avait en plus pourri dans ce terreau-là du vivre ensemble, etc., et donc de la lâcheté. Oui, mais lui, il se dit tout le temps enfermé dans un monde qui lui plaît pas. Il se sent emprisonné d'un monde depuis toujours dans un monde qui ne lui plaît pas. Donc c'est une question de conviction depuis très longtemps. Et son père, bon, mais il a eu une enfance normale à part ça. Bon, ça va, il est pas plein, c'est pas un Éthiopien, quoi. Et c'est pour ça, c'est que quand il découvre pourquoi ça lui plaît pas et quels sont les ressorts, tout à coup, cette chose-là. Ça devient le but de sa vie de d'agir contre ça. Et du coup, ben, il magnifie complètement le truc, quoi. Alors, à tort ou à raison, après, chacun jugera, mais pour moi, c'est le ressort. Lila, on t'a pas trop entendu, là. Ah, bah, ouais, du coup. Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir là? Je sais pas, Tony, Val, Israël. Ouais, là-dessus, je sais pas, j'ai pas grand-chose. Enfin, la plupart m'ont enlevé les mots de la bouche, donc j'aurais pas grand-chose à ajouter. Je trouve que le lien avec le père était très intéressant. Moi, quand j'ai lu le livre, c'est écrit sous la plume d'Oberton, donc c'est du ressenti, mais moi, je sais pas, j'ai eu l'impression, et là, je suis purement dans de la théorie, que finalement, cette violence avec laquelle le père l'a rejeté, parce que je pense que pour un jeune, c'est grave quand même, parce que si je me souviens bien, c'est Anders Breivik qui veut un moment se rediriger vers son père, et son père qui lui dit non, merde, j'ai pas envie, je me sens pas prêt, je sais pas quoi. Et puis à un moment il évoque notamment ce coup de fil où je sais plus c'est quoi exactement la phrase du père, mais en gros qui marque vraiment une coupure quoi, quasi définitive. Et je pense que ça a été vraiment un coup très très violent pour lui. Et je saurais ensuite pas dire est-ce que quelque part cette violence, est-ce qu'il l'a gardée, macérée en lui, ou est-ce qu'au contraire, ça, il l'a envoyé tout aussi fort, dans la forme effectivement d'un basculement idéologique. Je ne crois pas, que c'est un prétexte, je pense. L'histoire du père, de l'enfance, tout ça. Parce que il y a des convictions quand même qui dépassent ça. Oui, mais là, après, enfin, le truc des convictions, c'est qu'il y a plein de gens qui vont avoir les mêmes idées que lui, mais qui vont jamais faire ça. Donc là, on essaie aussi de voir tous les aspects psychologiques qui ont pu l'amener à passer à l'acte. Moi, il y a un autre point de basculement que j'ai remarqué dans le bouquin, donc qui peut sembler un petit peu anecdotique. C'est sa première baston, sa première bagarre, où il se bagarre avec des garçons, là. Et en fait, c'est le moment où il passe justement de cette personnalité très timide et très renfermée sur elle-même à d'un coup, il pète un câble et là, il se met à taper dans tous les sens et il est sans limite, il est déchaîné, quoi. Et je pense que c'est assez représentatif de ce basculement-là aussi, de cette personnalité qui est sous cloche un peu, qui fume et puis qu'à un moment donné, explose, quoi. D'autant la réaction qu'on lui renvoie après cette baston, puisque si c'est bien celle que je pense... C'est en gros, il s'unit avec des amis à lui pour aller tabasser des mecs qui apparemment sèmeraient la terreur dans le quartier. Et effectivement, comme tu dis, il pète les plombs, il brille, si je puis dire, par sa violence et dans la correction qu'il inflige aux camps en face. Et lui, qui le dit lui-même, qui espérait une reconnaissance en tant qu'homme fort, viril, qui a défendu les siens. Non, on lui dit « Ah non, non, t'abuses, quand même, là, c'est dangereux ce que t'as fait. » Ouais, c'est lui qui prend. Ouais. Et ouais, ça, c'est intéressant, effectivement. Il me semble me rappeler que le moment où il pète un câble dans cette bagarre, c'est quand il se fait casser le nez. Oui, c'est ça. C'est la douleur, en fait, qui déclenche cette folie de violence. Il dit qu'au moment où il se prend le coup, en fait, il est choqué sur le moment, et en fait, il se dit d'un coup, bah en fait, c'est rien, et il sent plus la douleur, et là, il glisse complètement de l'autre côté de la barrière, quoi. Une sorte de surdose de testostérone qui lui monte, ça lui plaît, il y va. Et il est vu d'ailleurs par ses codisciples vraiment comme ils sont impressionnés, quoi. Il y a une forme de récompense là-dedans. Hein. Et même ses adversaires. Tout à fait. Qui sont des immigrés dans cette histoire-là? Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt une succession de différentes choses qui... Je pense pas que c'était latent chez lui. C'est vraiment le déroulé de toutes ses expériences et puis de son intelligence aussi, de sa capacité à analyser la société et comment elle fonctionne, qui a fait qu'il s'est petit à petit muré en fait en lui. Parce qu'il a mis combien de temps? 9 ans à préparer tout ça? Ouais, c'est ça. Plus ou moins, parce que ça n'a pas été 9 ans tous les jours. C'est pas une question de conviction. C'est un moment où même il explique que depuis tout petit, certaines personnes s'évertuent à s'adapter au monde et aux différences des autres, alors que lui-même s'est évertué à analyser et à observer comme un espèce de maillon détaché de la chaîne ce qui se passait, et que c'est ce qui lui a permis d'analyser les comportements qu'il considère comme déviants. Ouais, mais ça, c'est toute son intelligence qui a été mise à profit pour lui-même. C'est impressionnant de voir d'ailleurs sa faculté d'analyse. Mais là où on se rend compte qu'il n'a pas été instrumentalisé, c'est qu'il lui manque des bouts de l'histoire. Il lui manque des infos. Historiquement, je veux dire, il y a des choses qui lui manquent. Il les a analysées, il les a comprises, mais il n'est pas monté au-dessus. Donc, s'il avait été instrumentalisé, il aurait un discours beaucoup plus littéraire, beaucoup plus argumenté, beaucoup plus sourcé. Là, ça ne sort que de sa tête. Et non, je pense qu'il n'a pas pu faire les études, donc, pour toi. Oui, et puis non, mais je pense qu'un mec aussi intelligent que lui, tu l'instrumentalises pas comme ça, quoi. En plus, oui. Justement, sur le côté, je voudrais revenir sur l'aspect loup solitaire, parce que dans le bouquin, il est quand même, donc c'est très appuyé sur ce côté-là, mais à plusieurs reprises, Breivik mentionne le fait qu'il fait partie en fait d'un groupe international avec d'autres gens en fait qui sont un peu dans le même délire que lui. Et comment vous avez ressenti ça? Est-ce que c'est un délire, même peut-être de Burton, je sais pas. Est-ce que ça, y a du vrai là-dedans? Est-ce que Je crois me rappeler qu'il dit précisément qu'ils ont reformé effectivement un groupe de Templiers pour sauver l'Europe. Alors c'est pas un délire d'Oberton, parce que vraiment Breivik, Val m'avait envoyé la vidéo justement qu'il a faite pour présenter son manifeste, et où il parle justement de 2083, etc., les Templiers et tout, c'est pas un délire d'Oberton. Non, c'est tout à fait vrai. Maintenant, après, est-ce que c'est un délire de Breivik, ça? C'est pas. Ça vous semble plausible? Dans le récit tel que c'est amené là, ça fait très romanesque, et ça fait plus le mythe qu'un enfant s'est imaginé quand il joue au chevalier qu'une organisation réelle et concrète qui va sauver l'Europe, quoi. Moi, je pense que c'est vrai, tout à fait. Il y a un groupe, il y avait un groupe, mais je pense qu'ils étaient trois, tu vois. Bah le seul, parce que finalement, le seul qui mentionne ce groupe, ce serait ce fameux Serbe qu'il a rencontré en Afrique. Bah, à part ça, aucune autre mention à un membre présumé de cette organisation. Aucune autre action concrète. Il y a, pour moi, c'est un groupe de 3 ou 4 personnes qui se sont parlé, qui ont dit on va faire ci, on va faire ça. Et finalement, le moteur, celui qui va chercher les diamants en Afrique, qui va à Londres, les Londres, etc., etc., c'est ni plus ni moins une Breivik. On ne parle jamais des actions des autres. On ne s'en rend pas. Donc, pour moi, c'est un tout petit groupe qui parle. Voilà. C'est plus ou moins virtuel. C'est 0, si tu veux. Ça pourrait être aussi justement le délire de Breivik. C'est-à-dire que lui, il aurait pu aller là-bas en se disant je vais faire mon entraînement, ma formation et tout, en faisant tout mon trafic de diamants, etc. Mais que ce soit ce que lui, il s'est mis comme exercice à faire, dans sa préparation et que tu vois, il fait rentrer ça dans sa mythologie, mais ça se trouve, c'est un truc qu'il a fait de son côté pour se préparer, quoi. Non, franchement, je pense que c'est sincère, je pense que c'est vrai, et je pense qu'ils étaient très très peu nombreux, et je pense qu'il n'y a que lui qui a fait quoi que ce soit. C'était du 2.0, les mecs derrière leurs écrans, tu vois, ou même au café qui discutent, et puis ben, les autres ne sont pas passés à l'action. Sinon, connaissant le personnage, il s'en serait vanté, il aurait vanté les actions qui ont été faites par son groupe, il aurait fait tout un roman dessus. Donc, le fait qu'il n'y ait aucune information, c'est quand même révélateur. Ouais. Je voulais juste ajouter un truc sur la vie sociale, parce que le côté loup solitaire, parce que la manière dont le profil psychologique des tueurs de masse est décrit au début du bouquin, il parle vraiment de gens très très isolés, complètement solitaires, etc. Mais en fait, il est mention de plusieurs amis qu'il rencontre à certains moments du roman pour aller boire un café ou autre. Donc finalement, apparemment, il n'était pas si isolé que ça, quoi. Il avait même, apparemment une vie sociale très réduite, mais quand même un peu, quoi. Même sa maman avec qui il mangeait au moins une fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Oui, il avait 9000 followers sur Facebook quand même. Hein. Ouais, et puis il le dit assez souvent, il rencontrait des femmes, voilà, sa vie sexuelle. Bon, celle-là, il les payait, je crois, la plupart. Non, enfin, en tout cas, il dit que oui, avant l'action, il se paye une escorte. Mais ouais, bah, il parle notamment du cas de la Biélorusse avec qui il se met, mais bon, apparemment, ça finit pas bien. Oui, c'est vrai, il a une ex-copine, ouais. Mais il y a aussi des amis avec qui il déjeune, où il dîne dans le roman, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait, si, oui, bien sûr. Ouais, c'est ce qui est assez douloureux d'ailleurs, c'est qu'il n'a même pas un profil de marginal en fin de compte. Non, pas du tout, c'est ce que je disais au tout début. C'est-à-dire que cette personne, ça pourrait être moi. Bah, il le dit. Voilà. Quand il est sur la fin de ses préparatifs à la ferme, il dit qu'il refuse les sollicitations de ses proches, de sa mère. Non, mais alors ce qui est rigolo, c'est justement, Tony, c'est qu'il refuse les sollicitations de ses proches pour venir à la ferme. Oui. Mais deux jours avant les faits, il va bouffer avec un pote et avec sa mère. C'est ça, tout à fait. 48 ou 24 heures avant, il dîne avec sa maman au restaurant, et il fait son petit truc, quoi. C'est là où je voulais en venir, justement, c'est que finalement, ouais, il y a un peu cette ambiguïté. Comment ça, du fait qu'il ne mange pas à la ferme? Non, mais qu'il est donc il se coupe quand même des gens parce qu'il est obligé par le fait qu'il met en place un plan qui est quand même assez difficile à mener et il veut pas se faire griller, mais en même temps il coupe pas tout lien social et il garde des liens forts avec sa maman notamment et ses amis. Et c'est rigolo que en plus la façon dont c'est décrit dans le livre, c'est que ce dîner où il va, il le voit comme une espèce de récompense avant de passer à l'acte, en fait. La récompense et la fierté d'avoir mené tout à bien et de pouvoir dîner juste sereinement avec des proches, quoi. Et j'ai trouvé cette image, moi, elle m'a frappée sur le moment, en fait. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter quelque chose ou je pense qu'on va pouvoir conclure, peut-être ? C'est bon pour moi. Pareil. Idem. Alors pour la prochaine lecture, on procède comme avait suggéré Lila, c'est-à-dire qu'on va dans quel salon, parce que c'est ça, je suis à l'ouest. Sondage. Voilà. Je pense que ça semble mieux, et puis on essaie de s'accorder tous nos jours quand même pour se laisser le temps ensuite de faire une lecture bien approfondie. Ça me va. Ok. En tout cas, merci à tous d'avoir fait le travail d'analyse et de lecture qu'il fallait d'être là aujourd'hui. Merci à Tepa de nous avoir soutenus dans la démarche. Merci à Greg également pour l'affiche. Et puis merci à Pierrot pour sa gouaille et ses bio. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est on se recontacte d'ici deux jours. Et puis, on se refait la même dans 15 jours. Quoi. Et moi, je vous remercie d'avoir eu l'idée. C'était vraiment sympa. Ouais, c'est cool. Bah, je trouve ça intéressant. Ça va nous permettre, en tout cas pour certains, de s'en remettre un peu à la lecture. Et peut-être effectivement de revisiter certains classiques. Ça, c'est à envisager aussi. Moi, je t'avoue qu'il y a pas mal de classiques que j'aimerais faire découvrir. Donc voilà. Mais après, je pense qu'on peut-être qu'on se fera un salon spécial pour nous, si tu veux, où on pourra mettre toutes les idées, faire des playlists, même à la limite mettre des œuvres complètes pour ceux qui veulent lire, si tu veux, entre les bouquins qu'on aura choisis pour débriefer. Ça peut être intéressant aussi. Ah on va dire que les listes sont non exhaustives, quoi. Je suis d'accord. Non, mais bon, il y a quand même des grands classiques, tu vois, des Hugo, des Voltaire. La Fontaine, qui est assez. D'ailleurs, ce serait sympa. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un débrief de certaines fables de La Fontaine. Toi, donc, on pourra en faire plusieurs dans une émission avec le vrai message, parce que bon, non, vous le savez maintenant, mais on le réalisait pas quand on était jeune. Mais il y a quand même une vraie démarche politique dans toutes les fables de La Fontaine. Je pensais que ça aurait pu être intéressant, comme ça, qu'on s'en analyse quelques-unes, qu'on les dissèque et qu'on en parle un peu. Mais ça, c'est dans les, ah, bah, si on part dans les recueils, alors j'aurais des projets à soumettre. Bah, c'est pour ça qu'on va sûrement se faire un salon. Je vais demander ça. Je sais pas si on ne peut pas avoir un salon pour nous, dans lequel on puisse un salon texte, hein, dans lequel on puisse mettre toutes ces idées-là, compulser, et puis bon, de temps en temps, on en parle, quoi. Ça peut être ludique, quoi. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous. Hein. Je profite un petit peu aussi de vous remercier d'avoir participé à cette première émission, en espérant que ça donnera effectivement la vocation à tous d'aimer la lecture, de lire. C'est un support et un mode de conscientisation autre que celui qu'on pratique dans la dissidence moderne. On revient à du 1.0 et pas du 2.0, mais c'est fantastique de lire et d'aimer de lire, voilà. Et je pense qu'on peut conclure l'émission là-dessus. Et maintenant, bon, on peut peut-être maintenant débriefer entre nous, hors ligne, hors émission de ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, il va falloir que je change de salon, parce que là, ça va enregistrer, en fait, t'es pas assez absenté, là, se prépare pour l'émission, et donc ça va enregistrer non-stop pendant 3 heures. On peut rester là pour en parler aussi, quoi. Je pense qu'il coupera. Ouais, on va plutôt changer de salon, je pense que ça sera mieux. Ouais, ou on remonte avec les autres, quoi. Et puis, voilà, allez, on remonte. Bah, je crois qu'ils sont toujours en discussion, là, au fond. Ouais, bah, on va arriver à tâtons, on n'est pas nombreux. Allez, c'est on va aller voir ça. À tout de suite.